Préparez-vous à vivre un moment inoubliable. Du 1er septembre au 31 décembre, découvrez le spectacle Entre chiens et louves au Bon Marché Rive Gauche. Une création inédite par Cirque Leroux qui mêle cinéma, danse, théâtre et art du cirque. À la nuit tombée, au cœur du magasin, 8 virtuoses défient les lois de la gravité pour une épopée de haut vol. Réservez vos places dès maintenant sur lebonmarché.com. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Combien d'églises en France ? Il y en a plus de 40 000, avec toute une déclinaison de la simple chapelle à l'église du village en passant par celle du centre-ville. Quant aux lieux de culte, il y en a beaucoup plus, catholiques bien sûr, mais aussi orthodoxes, il y a des synagogues, des mosquées ou encore des temples bouddhistes. Qui est chargé de leur entretien, de leur conservation et parfois de leur sauvegarde ? Ici, une fuite d'eau ailleurs, des murs qui s'effritent et qui abîment les fresques. Et là, un clocher qui menace de s'effondrer, patrimoine religieux, mais qu'est-ce qui cloche ? Monsieur le curé, savez-vous comment on appelle votre église ici ? Non, Grand Saint-Pierre. On l'appelle Notre-Dame des courants d'air. Je ne répéterai pas le navrant inventaire qui saute aux yeux, l'état des charpentes, hein ? Oh. Le toit, là-haut, oh. Le bourdon fêlé, oh. Non, vous ne pouvez pas le voir. Excusez-moi. C'est les gros qui devraient donner l'exemple. Les statues, cette chair elle-même, ainsi... Je suis le curé de Notre-Dame des courants d'air. Et je me surprends à envier. Je me dis, il y a sur la terre des prêtres heureux, tel mon collègue de Paris à Notre-Dame, il peut dire sa messe sans mettre une laine. Notre-Dame des courants d'air, c'est dans le film Le Petit Baigneur de Robert Derry en 1968 avec Louis de Funès. Et le curé, c'est Jacques Legras. Bonjour Mathieu Lourse. Bonjour. Image donnée par ce curé dans le film Le Petit Baigneur, c'est un classique. Hein. Nous ne sommes pas aujourd'hui à un moment où notre patrimoine est particulièrement menacé, alors qu'auparavant, c'était formidable. Eh bien non, depuis des siècles, le patrimoine religieux est en ruine, parfois, à certains moments. Et on a à toutes les époques des évêques, des laïcs qui se plaignent de son état et qui invitent justement à sa reconstruction et à son entretien. C'est vrai qu'on retrouve ça dans les archives anciennes, déjà sous l'Ancien Régime, des plaintes du patrimoine qui est en train de s'effondrer. Ah oui, oui. Le patrimoine, c'est anachronique à ce moment-là. Certes, mais la chose existe avant le mot. Et effectivement, on a des visites pastorales dès le 15e siècle qui se plaignent de l'état des églises. On trouve des situations catastrophiques, hein, comme le montrent par exemple les tournées de visites de l'archevêque, enfin de... l'évêque d'Aix-en-Provence au XVe siècle, par exemple. Enfin, on a plein de cas où finalement ce patrimoine pose question et présente des difficultés quant à son usage et simplement sa pérennité. Et son financement. Si nous nous situons, au XVe siècle, si on a envie, mais même après, XVIe, XVIIe, XVIIIe, qui est en charge de l'entretien de ces monuments ? Alors, ces monuments appartiennent en fait aux communautés qui les habitent liturgiquement et socialement. Alors, si on est dans le cadre du clergé régulier, une abbaye, elle appartient à la collectivité des moines. Une cathédrale, elle appartient à l'évêque et au chapitre, la collectivité des chanoines, les prêtres qui y prient plusieurs fois par jour. Et une église paroissiale, eh bien, elle appartient pas au clergé. Elle appartient à la communauté des habitants organisée en ce qu'on appelle une œuvre et fabrique, c'est-à-dire une personne morale qui, dans le village, possède des biens et les affecte au culte. Et ce sont les habitants qui élisent leurs représentants, ce qu'on appelle des marguilliers, qui entretiennent leur église. Et ça, c'est très important pour l'identité du patrimoine rural, religieux, mais urbain aussi en France. C'est le fait que ces édifices n'appartiennent pas au clergé, mais aux collectivités. Ah oui, parce que ça veut dire que au moment de réfléchir à la réparation d'une toiture, par exemple, c'est pas l'église avec un grand E majuscule qui s'occupe de ça, c'est une toute autre lecture qu'on doit avoir. Exactement, l'église s'occupe d'une collégiale, d'une abbatiale, d'une cathédrale, mais l'église paroissiale, elle appartient aux habitants. Avec un moment très particulier, évidemment, c'est la Révolution française. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour ce patrimoine ? Au moment de la Révolution française, ce qui se passe, c'est que ce patrimoine, finalement, va passer... à la charge des collectivités territoriales. Quand on crée les communes telles qu'elles existent aujourd'hui, que faire de ce que possédaient les fabriques ? Eh bien, elles vont être municipalisées. C'est ce qui se passe en novembre 1789, les biens du clergé sont mis à disposition de la nation, et les églises paroissiales passent aux communes. Mais c'est tout à fait logique, parce qu'elles étaient déjà gérées par des élus de la communauté des habitants. C'est évidemment à l'époque un suffrage, c'était que les chefs de famille qui votaient, et donc seuls des hommes pouvaient être élus, et c'était souvent des notables. Mais les communes voient les biens des fabriques leur être affectés pour continuer à s'occuper de l'église, et le curé devient un fonctionnaire payé par la commune. Et oui, ça change complètement la donne. Avec ce moment révolutionnaire qui peut nous intéresser aussi hors du patrimoine religieux, et je le dis encore, cette notion de patrimoine sous la Révolution, c'est un peu anachronique, mais le mot, comme vous l'évoquiez, Mathieu Lours, évoque l'ensemble de ces bâtiments. Ces bâtiments, ces églises, ces chapelles, etc., ont l'attention de ceux qui perçoivent déjà leur importance historique. Le moment Révolution, c'est aussi cela. Oui, les premiers écrits sur justement des églises dans lesquelles il y a des monuments à conserver. Alors souvent, on parle de monuments plutôt pour les monuments funéraires, les monuments sculptés. Le terme de monument pour l'édifice, c'est plutôt le 19e siècle, mais c'est une métonymie. Il y a déjà des monuments dans l'église. Et les publications, elles sont plutôt des années 1790-95. On peut citer Milan et ses antiquités. On peut citer aussi Séroux d'Agincourt qui, depuis Rome, compile un petit peu l'intérêt des monuments du Moyen-Âge. Donc la Révolution, c'est à la fois le moment d'une vague de démolition d'édifices de culte, mais ça on en a connu une déjà pendant les guerres de religion, mais à la Révolution française, c'est une démolition administrative. On sélectionne les édifices utiles, les édifices non utiles. Comme on a supprimé le clergé régulier, il n'y a plus de moines, il n'y a plus de moniales. Donc qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces églises ? Certaines deviennent paroissiales, mais toutes les autres ne servent plus, et donc elles sont vendues, elles passent en main privée. Donc il n'y a pas eu à la Révolution française de démolition d'église idéologique, c'est une démolition, j'irais, socio-économique. Une église ne sert plus, elle passe en main privée. Qu'est-ce qu'un privé peut faire avec une église à Paris en 1792 ? La démolir pour construire des immeubles de rapport. Ou alors transformer son usage, c'est vrai que c'est un bâtiment sympathique pour entreposer des choses. Voilà, après c'est une question de prix du terrain. Une grande église située dans un quartier dynamique, comme la chaussée d'Antin par exemple, va plutôt y construire des immeubles de rapport. Une petite église située dans l'île de la Cité va plutôt devenir un entrepôt ou servir à un usage artisanal. Et quand les grandes abbayes sont détruites après avoir été vendues comme bien national, en fait ça devient des carrières. Oui, on utilise, il y a généralement pour les grandes abbayes, prenez par exemple l'abbaye de Royaumont, le marquis de Travanais qui l'achète en 1792, la première chose qu'il fait, c'est qu'il établit une filature dans l'église. Dans l'abbaye. Et que faire de l'église elle-même ? Surtout la démolir. Parce que s'il y a une contre-révolution et que les moines reviennent, si on démolit l'église, on est sûr que finalement c'est pas un bâtiment, c'est pas une abbaye que les moines demanderont en priorité. Et donc l'église est démolie, sert de carrière de pierre, et le restant sert de filature. Et le très beau palais abbatial qui date des années 1780, ça devient la résidence du marquis. Ouais, c'est logique. Tout à fait. Oui, on y est très bien. Avec donc ce moment révolutionnaire particulier où les communes ont la charge. Alors elles ont la charge de quoi ? De l'entretien de l'église, mais de l'entretien au quotidien ou de l'entretien en général, c'est-à-dire quand il y a un coup dur, quand il faut faire des gros travaux ? Alors, en fait, il y a une première étape en 1790, il y en a une autre avec le Concordat de 1801, et il y a ensuite la loi de 1905. Donc le régime change un petit peu, mais il y a une chose qui ne change pas, c'est que les mairies, en tant que propriétaires de l'édifice, ont la charge du clos et du couvert et de la fourniture au clergé d'un lieu de culte décent. C'est clair. Voilà, c'est les termes des trois régimes légaux qui se succèdent. Avec, pendant la terreur, un petit vide juridique, mais pendant la terreur, finalement, elles deviennent temple de la raison, temple de l'être suprême, mais ça ne change pas leur statut. Ça reste un édifice de culte municipal. C'est juste le culte qui a changé. Donc, il faut assurer que le bâtiment ne laisse pas entrer les courants d'air et l'eau, voilà. Déjà pas mal. Et puis ensuite, on a un curé qui est dedans, qui est payé par l'État, à ce moment-là. Le Concordat de 1801, c'est cela, c'est une mise en règle de tout ce fonctionnement. Alors, là encore, on ne dit pas encore du patrimoine religieux, mais de tous ces bâtiments. Oui, c'est un peu l'accord de 1790, la constitution civile du clergé. Le clergé n'est plus propriétaire de ses murs, il devient une fonction publique du culte. Et à partir de ce moment-là, le clergé voit des bâtiments municipaux lui être affectés, et ces bâtiments doivent être entretenus. Il faut les entretenir, ces bâtiments, avec un regard qui se porte sur un temps beaucoup plus long. C'est une évolution même du regard sur ce que l'on commence à appeler le patrimoine. Lorsqu'en 1840 se pose à la question de la remise en état de l'église de Vézelay, Mérimée fit désigner un architecte de ses amis, âgé de 26 ans et de formation artistique très libre, Viollet-le-Duc. L'œuvre n'était pas de tourpeau. Les travaux du jeune architecte soulevèrent des observations et des critiques, C'est dans l'ordre normal des choses. Mérimée défendit son poulain et triompha. Il n'en était pas de même de Saint-Denis, confié aux mains d'un pontife de l'architecture, qui avait élevé sur la façade une flèche prête aussitôt à s'écrouler. Viollet-le-Duc est appelé pour réparer le désastre et poursuivre la restauration. Le voici consacré grand maître en la matière. Et, de fait, durant plus de 30 ans, son ombre va planer sur le service des monuments historiques dont il incarnera l'esprit et l'activité. Nous étions en 1954 quand Pierre Pradel, historien de l'art conservateur de musée, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, évoquait les figures de Prosper Mérimée ou Plaboum et de Viollet-le-Duc. Alors, nous sommes au milieu du 19e siècle, ces années 1840. Il y a vraiment quelque chose de très fort ici sur l'idée même de patrimoine qui a un effet direct sur le patrimoine religieux. Oui, sous la monarchie de Juillet, on a une équipe au pouvoir qui comprend que l'histoire est un outil politique et que l'histoire s'incarne dans les monuments. Et donc forcément, les monuments religieux vont acquérir une nouvelle dimension, qui est une dimension culturelle, une dimension nationale, et ça suppose de les adapter à cette nouvelle fonction. Donc d'exalter leur dimension médiévale, leur dimension idéale, et Viollet-le-Duc est l'homme de ce basculement. Oui, parce que cette lecture que ces gens-là pouvaient avoir du patrimoine n'est pas exactement la même que nous avons aujourd'hui. Avec Viollet-le-Duc, et un travail absolument remarquable, il y a aussi une volonté d'ancrer des monuments dans un passé qui parfois est un tantinet fantasmé. Voilà, il s'agit de faire de l'édifice tel qu'il est un monument qui tente vers l'idéal. Donc c'est, il le dit clairement, hein, restaurer un édifice, c'est le placer dans un état idéal qu'il a peut-être jamais connu. Hein, je paraphrase, je suis à la limite de la citation exacte, j'espère, de Viollet-le-Duc. Et c'est ce qu'il fait à Vézelay, c'est ce qu'il fait à Notre-Dame de Paris, et c'est ce qu'il n'arrive pas à faire à Saint-Denis. Pourquoi ? Alors parce qu'à Saint-Denis, il souhaitait absolument réaliser une façade symétrique. Alors même que l'histoire avait légué à Saint-Denis une façade dissymétrique, avec une tour de gauche qui possédait une flèche et celle de droite qui n'en possédait pas. Et en faisant démolir la tour nord, non seulement il intervenait sur un édifice que Debray avait peut-être restauré maladroitement, mais il souhaitait surtout pouvoir démolir beaucoup de parties authentiques des éléments qui demeuraient pour construire deux tours jumelles avec toutes les deux des flèches. Ah oui. Ça, il a été bloqué par la commission des monuments historiques. Parce qu'on n'allait pas démolir une authentique façade du 12e. Alors, il avançait le fait qu'elle avait été mal construite, qu'elle risquait de s'écrouler, etc. Et en fait, c'était pour créer une façade idéale à deux tours symétriques. Puis nous sommes à un moment où la religion est extrêmement liée au pouvoir. C'est un mode social impératif d'aller à l'église le dimanche. Tout se passe par l'église. Donc, ces bâtiments sont occupés. Oui, et dans le même temps, la part des Français qui sont soucieux des héritages de la Révolution, les républicains, comme on les appelle dans la première moitié du 19e, mais aussi une partie des bonapartistes, eh bien, se réapproprient l'édifice, même s'ils ne sont pas eux-mêmes pratiquants ou confessants de la foi catholique, parce que ces édifices, finalement, deviennent des monuments. Et le monument historique, il est justement historique, il n'est pas religieux. Et ça crée un espace laïque autour du monument. Et Viollet-le-Duc lui-même n'est pas un catholique pratiquant. Viollet-le-Duc essaie de montrer justement que les églises ont été construites par le peuple des villes, les cathédrales en particulier, contre le pouvoir de l'évêque. Ce qui est historiquement totalement faux. Mais il s'appuie sur des révoltes comme à Reims en 1233, quand la ville en a assez de supporter l'imposition de la cathédrale, qu'elle se révolte. Il s'appuie sur les exemples de Strasbourg, où là, l'évêque et les chanoines sont mis à la porte du chantier au XVe siècle, où c'est la ville qui reprend le chantier. Et Viollet-le-Duc a cette lecture idéale, les cathédrales sont nationales. Au XIXe siècle, l'Allemagne et l'Angleterre font pareil. Dire nos cathédrales, certes, elles sont catholiques, elles sont épiscopales, mais c'est les hommes de notre nation qui les ont édifiées. Notre-Dame devient l'église nationale au XIXe siècle. Et c'est une véritable construction. Alors pour les petites églises de village et la commune, c'est-à-dire que pour les cathédrales, ce n'est pas simplement la c'est vie cabrite, c'est l'État. C'est l'État. En 1790, l'État s'est réservé la propriété des cathédrales. Et c'est vraiment une des spécificités françaises, les cathédrales à l'État, plus Saint-Denis, parce que Saint-Denis, évidemment, il y a tout l'héritage des monarchies et puis de l'Empire aussi, et les communes, les églises paroissiales. Alors, dans le besoin qu'a le pouvoir d'avoir le soutien des catholiques, et donc de l'Église. On imagine bien que toutes ces églises vont être bellement entretenues, elles vont être sublimes. Des églises où il va y avoir de l'argent qui va être versé. Est-ce que c'est le cas encore au XIXe siècle ? Alors, au XIXe siècle, oui, parce qu'il y a un budget du culte. Et ce budget du culte officiel sert aussi à la reconstruction et à la restauration, mais surtout à la reconstruction. Et au XIXe siècle, on a reconstruit, je dirais, presque autant, voire plus d'églises qu'au XIIe et au XIIIe siècle. On n'a jamais construit autant d'églises aussi grandes pour servir d'églises paroissiales rurales. Ça veut dire qu'il y a de l'argent. Il y a de l'argent, il y a de la population, il y a des pratiquants et il y a doublement de l'argent. Il y a de l'argent de la part de l'État et il y a de l'argent de la part des gros donateurs, des notables dans les villages qui parfois font passer des impôts supplémentaires sur les plus imposés pour la reconstruction de l'église paroissiale. Oui. Il y a un processus d'émulation. Le notable de village, il construit sa demeure façon faux château Louis XIII et il finance en partie la reconstruction de l'église en style troubadour. On crée une sorte de village idéal avec un château et une église, alors que même avant, on avait généralement une ferme seigneuriale et une église de très petite dimension. Ben on va voir le faux château Louis XIII et la fausse église gothique. Alors faux, évidemment, non, parce que c'est la création du XIXe siècle. Et c'est cette image-là qui, aujourd'hui, est en train de poser problème. Pourquoi ça pose problème aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, le notable, il n'a plus besoin d'un château Louis XIII de 300 mètres carrés au fin fond du Perche. Il n'a plus besoin de l'église non plus. Et dans le village, où il y a peut-être plus que 100 habitants et 10 chrétiens pratiquants, qu'est-ce qu'on fait de l'église de 500 places néo-gothique ? Oui, parce qu'il faut toujours l'entretenir, hein. La toiture est oui, toujours là. L'obligation d'entretien de cet édifice. Vous avez évoqué, Mathieu Lours, ce moment de la séparation des églises et de l'État en 1905. En quoi ça change la donne pour le patrimoine religieux ? Alors, ça change la donne parce que le régime de propriété des édifices catholiques n'a pas pu être affecté. Les églises catholiques n'ont pas pu être affectées à des associations cultuelles, parce que le Saint-Siège a refusé que ces associations soient créées. C'est seulement après la Première Guerre mondiale que les associations diocésaines sont créées et qu'elles servent d'interlocuteurs. Donc, on reste sur les lois de 1905, 1907 et 1913, sur le fait que les mairies restent propriétaires des édifices de culte qu'elles possèdent, l'État de même pour les cathédrales. C'est les églises construites après 1905 qui appartiennent à ceux qui les ont construites, c'est-à-dire au diocèse, et donc aux fameuses associations diocésaines. Pour les églises antérieures à 1905, le statut du clergé devient celui d'affectataire perpétuel, exclusif et gratuit des édifices de culte. Donc il n'y a plus de budget du culte, c'est-à-dire que l'église doit financer elle-même l'entretien courant, le ménage, l'éclairage, tous les frais du culte, mais les édifices et les objets du culte antérieurs à 1905 appartiennent aux mairies et on dresse en 1906 des inventaires, ce qui cause en Bretagne des scènes de résistance parce qu'on doit aller faire l'inventaire aussi dans le tabernacle, dans ce coffre situé sur l'autel où sont situées les hosties consacrées et théoriquement seul un prêtre a le droit d'ouvrir le tabernacle. Et là, quand l'officier municipal vient voir la valeur du ciboire qui est dans le tabernacle, eh bien, profanation, et on a des églises barricadées, la force publique qui doit intervenir. Parce que le patrimoine, ce n'est pas seulement les bâtiments, il faut bien le dire et le rappeler, c'est tout ce qu'il y a aussi à l'intérieur. Alors, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est vrai que c'est beaucoup plus complexe. Alors, complexe parce qu'il y a de la valeur, il faut protéger, mais dans le même temps, c'est quand même plus facile parce que ça coûte moins cher à entretenir qu'une fuite de toit, une toiture à refaire. Mais voilà, alors, tout dépend aussi de l'usage qu'on en fait. Et une bonne partie des objets du culte qui étaient inventoriés en 1906 comme faisant partie des biens des mairies ne sert plus pour le culte actuel. Parce que la grande réforme des rites en 1969 par le clergé catholique fait que toute une partie des vêtements liturgiques, des objets liturgiques, n'est plus employée. Oui, et puis dans cette histoire-là, il y a une autre longue histoire, c'est celle de la protection de ce patrimoine, et notamment des objets qui sont à l'intérieur, d'autant qu'ils ont souvent beaucoup de valeur. Monsieur le curé, nos églises sont pillées de plus en plus. Des églises qui contiennent de véritables richesses, de véritables trésors. Pourrions-nous préserver justement les trésors que contiennent ces églises, à votre avis ? Vous cherchez, vous allez les fermer déjà, évidemment, les fermer pendant toute la journée. C'est une solution, mais c'est pas la meilleure, c'est pas la vraie solution. Mettre des moyens de protection, quoi, si les voleurs viennent, ça déclenche, et puis alors ça prévient quelqu'un près de l'église. Dans le fond, ça peut faire clocher, sonner les cloches. Dans le fond, une sirène, tout simplement. Oui, une sirène, encore, oui. Mais je crois que maintenant, vous fermez quand même vos églises à clé. Ah oui, de plus en plus, hein. De plus en plus, quoi. Faute de quoi, on n'a pas de sirène, mais on ferme pour qu'on n'apporte pas les choses. Mais avant, il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas de vol dans les églises. Rarement. Très rarement. Et on dit aussi de mettre sous clé les objets de valeur, les ciboires, les gobelets en étain, les plats à hostie, etc. C'est ce qu'on fait pratiquement. La plupart des vases sacrés. Ah ben oui, les vases sacrés, on les met dans des placages. Ou à Sainte-Marie, c'est un petit coffre-fort. Petit coffre-fort. Hein. Mais vous n'êtes pas du tout pour qu'on retire justement tous ces objets de la vue dans le fond des visiteurs et des croyants. C'est dommage à la limite. Quoi. Alors autant qu'ils n'existaient pas si on les cache tout le temps. Pourquoi les mettre dans un musée alors, l'un ou l'autre? Ah bah oui, c'est toute la question, il a raison, ce curé, nous étions en Bourgogne en 1975, Mathieu Lours, c'est vraiment cette question du patrimoine religieux, ce ne sont pas des musées ces églises. Non, ce ne sont pas des musées, mais elles contiennent des objets qui peuvent relever d'une conservation au musée en dehors du culte. Alors dès lors, comment faire? Alors, il y a des solutions, je pense par exemple, même dans des villes comme Avranches, dans la basilique Saint-Gervais d'Avranches, vous avez une chapelle qui est devenue un lieu où les objets du culte sont conservés, dont le crâne de Saint-Aubert d'ailleurs, dans des vitrines blindées. Et quand on en a besoin pour le culte, eh bien on ouvre la vitrine, on va récupérer l'ostensoir, le calice. Voilà, il y a des solutions qui peuvent exister. Oui, parce qu'il faut faire avec le lieu de culte où des gens doivent venir, et c'est tout à fait normal, et des visiteurs viennent à n'importe quel moment, normalement, de la journée. D'ailleurs, ce qui pose le problème de toutes ces églises fermées. Une église n'est pas destinée à être fermée toute la journée. Non, une église catholique doit normalement être ouverte, de manière à ce que les dévotions privées des fidèles puissent se dérouler dans un espace sacré. C'est la différence avec les temples protestants qui, eux, doivent absolument être fermés. Parce qu'il n'y a que lorsque les fidèles sont assemblés qu'il y a une action sacrée dans l'édifice. Mais l'Église catholique, son état normal, c'est d'être ouverte. Mais cette ouverture, la dimension patrimoniale et la présence d'objets de valeur, évidemment, crée une difficulté dans beaucoup d'endroits où les églises sont peu ou pas visitées, mais ça l'a toujours créé. En 1218, à Notre-Dame de Paris, il y a un Anglais qui se cache dans l'église, qui essaie d'aller voler des objets de culte et qui met le feu. Déjà. Déjà. Bon, heureusement, là, c'est éteint très rapidement, mais il y a toujours eu des cas de vol dans l'église. Et il y a toujours eu des cas de curés qui ont essayé de vendre des calices. À Écouen, au XVIIe siècle, pas très loin d'ici, le curé se fait arrêter parce qu'il essayait de vendre les calices. Ah bah oui, alors c'est vrai que là, cette lecture sur le temps long nous permet de réfléchir à tout ce que les gens ont l'impression de vivre. Donc, que les toitures fuient, que les murs s'effritent, c'est une constante. Que des églises soient toujours l'objet de pillage, c'est une constante. Malgré tout, la déchristianisation du pays fait que le patrimoine religieux en pâtit. Je pense aux églises ouvertes ou fermées. C'est vrai que maintenant, il y a moins de gens qui vont ouvrir l'église le matin et la refermer le soir. Voilà, mais il faut quand même distinguer plusieurs situations. Dans les villes, les églises sont ouvertes et il y a beaucoup de monde. Le vrai problème aujourd'hui, c'est les édifices ruraux non protégés au titre des monuments historiques. Or, c'est la majorité de nos églises. Parce que la plupart des églises actuelles ont été construites au XIXe siècle, quand les villages de France étaient au maximum de leur population et que la pratique catholique était au maximum de son pourcentage. Ce qui veut dire que ces bâtiments-là ne sont pas classés, ce sont des bâtiments... Alors là aussi, on pourrait préciser, parce qu'un monument classé, il y a différents modes de classement. Il y a l'inscription au titre des monuments historiques, il y a le classement... Mais ces églises qui sont souvent non classées du XIXe siècle, c'est celles qui ont la plus forte présence dans nos paysages ruraux. C'est celles qu'on voit de plus loin, c'est souvent les plus grandes, les plus ambitieuses du point de vue architectural, les plus diverses. Elles sont très intéressantes, il y a des néo-romanes, des néo-gothiques, des néo-byzantines. Ce sont vraiment des marqueurs fondamentaux de nos campagnes. Elles mériteraient d'être classées dès lors. D'être classées, d'être protégées, mais avant tout d'être entretenues par ceux qui doivent les entretenir. Ouais, parce que c'est toute la question. Hein. À partir du moment où ces églises-là, celles du 19e siècle, commencent à bouger un petit peu et l'on s'inquiète sur leur sauvegarde, qu'est-ce qu'il y a comme solution? Réparer ou détruire? Saint-Julien des Églantiers, un minuscule bourg de Mayenne où le temps semble s'être arrêté. Ici, depuis plus d'un siècle, on vit à l'ombre du clocher de l'église, une église construite grâce aux dons et au travail des cultivateurs des environs entre 1848 et 1868. Aujourd'hui, l'édifice néo-gothique, la fierté du village, menace ruine. Restaurer l'église de Saint-Julien coûterait au bas mot 10 millions de francs, l'équivalent du budget annuel de la commune. Et pour sauver ce bâtiment non classé, aucune subvention n'est disponible. Alors, la mairie de Préampagne a dû se résoudre à ordonner la démolition du lieu de culte, fermé depuis un mois. Une décision qui, dans le hameau, suscite incompréhension et colère. On a eu 6 enfants, ils ont été tous baptisés là, ils ont fait leur communion, même donc quand ils ont fait le mariage. Ben moi, que je dis, ça fait mal au cœur à tout le monde. Et quand on entend tout le monde en parler, tout le monde sont pour qu'on ne soit pas battu. J'allais mettre des fleurs tous les samedis. Et pas une seule pierre nous a tombé sur la figure. Hein? Bon, il pleut dedans, c'est ta fête. Mais s'il y avait des réparations, questions de couverture et tout, l'argent qu'ils vont mettre à leur démolie, ils leur mettraient à leur réparer. Eh bien, ça serait aussi bien. Le bon sens. Ça fait du bien d'entendre ça. Nous étions en Mayenne, hein, c'est le village de Pré en Paille, 1998, cette église détruite. Alors, Mathieu Lourse, ça c'est quelque chose de constant. Et on le voit dans l'actualité, dès qu'une église du 19e siècle est détruite, c'est l'émotion. On l'entend même dans ce reportage. Hein. Les gens disent, mais c'est là où il y a eu les baptêmes, les mariages et les décès. On ne peut pas la détruire. Oui, il y a l'ancrage dans la vie locale, il y a l'ancrage dans le paysage. Et il y a surtout le fait que toutes ces démolitions, à part certaines, dans vraiment liées à des événements traumatiques, une tempête, la foudre, le terrain qui cède, l'immense majorité de ces démolitions sont liées à un défaut d'entretien. Parce qu'on n'est pas intervenu tout de suite sur la fuite d'eau, sur la gouttière qui déborde. Et ce manque d'anticipation est vraiment fatal à des édifices, souvent au XIXe siècle. Elles ne sont pas entièrement en pierre. Vous avez une partie en pierre, une partie en brique, avec des agrafes métalliques, donc du plâtre. Alors fatalement, si vous avez de l'eau sur du plâtre ou sur du fer, vous imaginez le résultat. Des jeux de matériaux, tout ça, ça claque. Et l'entretien de la toiture coûte évidemment moins cher que la réfection du bâtiment total. Ah oui, parce que c'est vraiment ça l'idée, hein. C'est un entretien régulier. Mais ce qui signifie qu'il y a une tension constante entre la municipalité qui connaît son budget et qui sait qu'il faut le tenir et c'est pas si simple. Et puis le curé qui dit, mais là j'ai une fuite, il faut la réparer. Le curé ou les associations de sauvegarde du patrimoine ou les simples citoyens, c'est un bâtiment municipal. Tout un chacun est en droit d'exiger du maire que les bâtiments municipaux soient bien entretenus. Et effectivement... Changer des tuiles, ça coûte cher, mais ça coûte moins cher que de refaire une toiture entière. Oui, donc faut le dire sans cesse, voilà, vaut mieux anticiper. Exactement. Et prévoir, avec quand même ce moment mais traumatisant de la pelleteuse qui vient et qui détruit le bâtiment. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on voit que la notion de patrimoine est entrée profondément dans nos esprits, parce qu'un clocher, c'est un clocher. Une nef, une voûte, c'est quelque chose qui nous touche, qui touche à notre histoire. Et quand on le voit se détruire, c'est l'horreur. Surtout le clocher. Le clocher, c'est l'élément identitaire, hein. C'est un lieu identitaire majeur pour toutes les communautés urbaines et rurales du pays. C'est ce qui crée la verticalité. Vous enlevez le clocher dans un village, ça devient un hameau. Tout est horizontal. En France, on n'a pas de tradition de beffroi municipaux dans les petites mairies, ou alors peut-être une petite horloge sur la mairie, mais le clocher, c'est ce qui rassemble et c'est ce qui montre au loin qu'il y a là quelque chose. Avec... de l'argent à trouver, la municipalité n'en a pas particulièrement. Parfois, elle ne peut pas faire les travaux, on peut le comprendre. Enfin, il y a besoin de chercher des aides. Quand vous nous avez expliqué, Mathieu Lourse, qu'en 1905, la séparation des églises et de l'État met en place un nouveau fonctionnement qui change encore dans les années 1920, c'est ça, hein, avec... Ça change surtout pour les églises construites après 1905. Et ça change en termes d'interlocuteur légal. L'affectataire reste le curé, mais il y a une association diocésaine qui permet à l'évêque de disposer d'une personnalité morale pour la gestion, justement, pour servir d'interface légale entre l'église institutionnelle et les municipalités. Mais c'est le curé qui reste affectataire, c'est pas l'évêque. C'est pas l'évêque, c'est le curé, oui. Et l'association peut essayer de chercher des financements pour faire des travaux. Alors, pour l'aménagement intérieur, pour ce qui sert au culte, mais vous n'allez pas demander à votre locataire de refaire la toiture ou de poser des fenêtres, sinon vous allez finir au tribunal. C'est la même chose pour le clergé. Quand les municipalités, elles ont bénéficié des biens qui appartenaient aux églises avant 1790, elles ont récupéré ce que les fabriques possédaient quand elles ont été reconstituées en 1801. Donc quand la loi de 1905 se met en place, les mairies possèdent normalement les moyens qui ont servi à entretenir le culte, ils sont municipalisés. Donc on peut dire que le clergé... Pourquoi aurait-il à payer alors que ce qui servait à l'entretien de l'église et du culte, eh bien désormais sert à l'entretien de l'église. Mais ce qui veut dire qu'il y a une grande diversité de situations sur le territoire, parce que les municipalités n'ont pas les mêmes couleurs politiques, plus ou moins proches des catholiques en l'occurrence. Et c'est ce qui se passe dès les années 1900-1910. Quand Maurice Barrès prononce une série de discours à l'Assemblée nationale entre 1906 et 1913, qu'il publie dans un livre qu'il appelle « La grande pitié des églises de France », il prend... quelques exemples où déjà des municipalités très anticléricales veulent démolir l'église. Hein. Le maire de Chars, dans le Val-d'Oise, où il y a une superbe église du XIIIe siècle, dit « ça coûte trop cher, on la démolit ». Bon, en fait, c'est très rarement mis à exécution, mais il y a quand même certains cas. Et puis alors, parfois, il faut se débrouiller. Hein. Autre œuvre d'art, la magnifique chapelle de Gras, l'un des joyaux du XIVe siècle, tombait en ruine. Devant cette regrettable évidence, ce prêtre, éminent archéologue, décida de la restaurer. Il entreprit cette tâche malgré les très maigres subventions qui lui furent allouées. Aujourd'hui, l'église remise à neuf, monsieur le curé Arnaud se retrouve avec des dettes importantes. Pour trouver les fonds nécessaires au remboursement, outre des kermesses et des tombolas, il a organisé des concours de belote pour le plus grand plaisir de ses paroissiens. Ici, chaque pli est une bonne œuvre. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Belote, rebelote, édice de Der. C'était la chapelle Saint-Blaise à Grasse et dans le département de l'Ardèche en 1964. Il y a ce curé qui a cette idée-là pour une chapelle. Hein. C'est pas une église à l'intérieur d'un village. Oui, j'adore le son avec les pipeaux très années 60. Ardèche, retour à... Il savait faire. Mais dans ces années 1960, c'est là que l'on commence à avoir... encore une fois, un autre regard sur le patrimoine, ou peut-être l'accentuation d'un regard qui existait déjà avec, et on le voit à travers la presse, le patrimoine religieux en danger, le patrimoine religieux menacé. Oui, c'est le moment où en fait on se rend compte que la France est devenue désormais un pays à majorité urbaine et que la déchristianisation commence. Donc forcément, ça joue. Et puis il y a aussi quelque chose qui joue dans les années 60, c'est le réenracinement des néo-ruraux qui commence. C'est-à-dire des urbains qui voient dans le patrimoine religieux une manière de sauver un lieu authentique. On va le week-end, le temps des vacances, c'est le début finalement où ce patrimoine religieux joue sur le domaine touristique, non plus seulement sur les gros monuments, les têtes d'affiche, le Mont-Saint-Michel, la cathédrale de Chartres, mais aussi sur cette authenticité de territoires dans lesquels on ne vit plus, mais dont on vient à l'origine et qu'on aime retrouver. Et c'est ça, c'est notre identité dès lors frisson quand le patrimoine est en péril. Que nous entendons, c'est le générique de l'émission télévisée Chef-d'œuvre en péril. Mais le patrimoine religieux, c'est cette identité, et vous l'avez parfaitement évoqué, Mathieu Lours, et puis c'est aussi un peu de la politique, on l'a dit, pour les différentes municipalités, mais même au-delà. Oui, incontestablement, le patrimoine religieux, il a à voir avec la vie de la nation. Quand on réconcilie la France et l'Allemagne, c'est dans la cathédrale de Reims que ça se passe, entre le général de Gaulle et Adenauer. Pas seulement, mais c'est quand même là que la réconciliation est actée. Oui, parce que ce patrimoine religieux, ça crée cette identité très forte avec des questions qui sont très terre-à-terre, qui sont vraiment des questions de financement et qui drainent en fait et le débat d'opinion, parce que c'est vraiment quelque chose qui arrive régulièrement à la une des journaux, et puis après, bah, simplement le vote des budgets dans les municipalités. Oui, c'est le grand écart entre l'idéal et la réalité. Et comment articuler les deux ? Une envie de tout préserver, de tout sauver, et puis une réalité budgétaire. Et là, les pouvoirs publics mettent en place, depuis en fait le 19e siècle, des outils qui permettent de sauver les édifices qui sont classés au titre des monuments historiques depuis 1840 ou inscrits depuis 1913. Donc on a déjà un corpus d'édifices qui théoriquement, sauf désastre, est hors de danger ou du moins est prioritaire dans sa restauration. Mais le reste... Et oui, c'est ça le reste. Oui. Qu'est-ce qu'on fait du reste ? Est-ce qu'on classe tout ? Ou est-ce qu'on trouve d'autres solutions ? Parce que pour une église... classé, absolument remarquable, mais dans une toute petite commune où il n'y a pas les budgets, là, il va y avoir de l'argent qui va venir d'ailleurs. Il peut y avoir jusqu'à 75% de financement par l'État. Il y a des départements, des régions, des collectivités territoriales, des communautés de communes, et par financement croisé, on peut obtenir de très beaux résultats. À l'inverse, si nous avons une église du 19e siècle qui est remarquable aussi parce qu'elle reflète l'architecture d'un moment de notre histoire. Oui, mais voilà, petite commune, il n'y a pas d'argent et elle n'est pas classée. Alors, il peut y avoir des dispositifs départementaux régionaux, mais il n'y a pas de dispositif national de subvention. Donc l'Église peut être alors laissée, pas à l'abandon, parce qu'on fait de son mieux, mais quand il doit y avoir un choix entre on la détruit ou on la restaure, c'est la municipalité qui décide ? C'est la municipalité qui décide. Elle est propriétaire de l'édifice et elle prend son choix en son âme et conscience, avec normalement l'obligation de reconstruire un édifice mis à disposition du culte. D'accord. C'est-à-dire que si on détruit l'église, la municipalité doit reconstruire une église. Oui, ce qui signifie, voilà, c'est que la première a disparu et c'était celle-là qui faisait l'identité du lieu. Exactement. Il y a une dizaine d'années, à Gesté, une polémique sur la démolition de l'église du 19e siècle, mais c'était pour reconstruire une église du 21e siècle. Donc là, la loi de 1905 n'a absolument pas été enfreinte. On a détruit un édifice non classé, on l'a remplacé par une église à un nombre de places équivalent. Ce qu'on peut dire, Mathieu Lourse, c'est que systématiquement, étant donné les réglementations multiples en France, s'il y a la destruction d'un lieu de culte, c'est que tout ça a été bien réfléchi. Et là... Alors malheureusement, il y a certains cas où on doit dire que voilà, il y a eu des démolitions pour des cas où... En retroussant un peu ses manches, on aurait pu trouver des solutions. Ah oui, c'est là où ça devient difficile. Hein. Voilà, il y a des cas qui sont des vrais crève-cœur, parce qu'on se dit que le différentiel entre la démolition et l'aménagement d'un square à la place de l'église se jouait à quelques centaines de milliers d'euros, ce qui, pour une municipalité, peut quand même se trouver en mécénat. Vous avez un exemple ? L'exemple de Saint-Jacques d'Abbeville, par exemple, qui a malheureusement été récupéré politiquement lors des dernières élections, mais c'était une des plus belles églises du 19e siècle du département de la Somme. Et entre sa démolition et l'aménagement d'un square à la place et sa restauration, il y avait quelques centaines de milliers d'euros. Sauf qu'une fois que c'est démoli, on voilà. La retrouvera plus jamais. Et elle a été démolie avant même que l'évêque prononce sa déconsécration. Ah oui, normalement, l'évêque doit prononcer la déconsécration de l'édifice pour qu'il puisse y avoir reconstruction sans qu'il y ait construction à la place d'une église équivalente. En nombre de places. Ce qui veut dire qu'il y a un peu de sacré encore dans ce square, oui, on va dire. Et c'est vrai que la démolition de cette grande et belle église, elle laisse une dent creuse dans la ville. Qui, certes, il y a un beau square à la place, il y a des éléments mémoriels qui sont préservés, comme la cloche, mais quand même. Mais quand même. Et dans tout ce patrimoine religieux très divers, hein, nous l'avons dit, il y a bien sûr les cathédrales, les églises, mais aussi des petites chapelles encore plus jolies au clair de lune. Clair de lune, où j'ai tant rêvé de vous, attendant l'heure opportune de nos rendez-vous. Garde nos amours en close, et je reviens tendrement près d'elle parmi les roses. Quand les fleurs seront fanées et quand l'orgue sera sourd, la chapelle abandonnée, moi je reviendrai toujours. La chapelle au clair de lune, espérant votre retour, verra-t-elle en la nuit brune bénir notre amour. L'amour vint émouvoir nos cœurs pleins d'espoir devant la chapelle un beau soir. Nous avons prononcé, tous deux enlacés, des serments jamais effacés. La chapelle au clair de lune, où j'ai tant rêvé de vous, attendant l'heure opportune de nos rendez-vous. Garde nos amours en close, et je reviens tendrement près d'elle parmi les roses. Inlassablement, les fleurs seront fanées et quand l'orgue sera sourd, la chapelle abandonnée, moi je reviendrai. Viens dans la nuit brune, pleurer mon âme. La chapelle au clair de lune, chantée par Léo Marjane. On n'écoute pas, c'est Léo Marjane. C'était en 1937 et aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec à la technique Hugo Renard. Et aujourd'hui, nous nous interrogeons sur ce patrimoine religieux. Bien sûr, évolution du regard porté par le patrimoine en général, le patrimoine religieux en particulier, des règles administratives, des lois qui s'occupent du patrimoine. Et puis après, Mathieu Lours, la réalité du terrain. Parce que il y a de ça aussi, la réalité de l'occupation de ces bâtiments. Vous l'avez bien dit, ces grandes églises qui n'accueillent plus grand monde. Qu'est-ce qu'on en fait? Il n'y a pas assez de curés. Et également, ça c'est un phénomène actuel, un curé s'occupe de plus en plus de paroisses et donc d'églises. Oui, on peut avoir un prêtre pour une trentaine d'églises dans certaines zones rurales. Mais effectivement, cet usage... Alors déjà, l'usage religieux, c'est pas seulement la messe. Ça peut être les obsèques, ça peut être des séances de catéchisme, des récitations du chapelet, des groupes de prières. Donc l'usage cultuel peut être repensé autrement qu'autour de la messe. Il y a des diocèses qui mettent en place des communautés comme ça, qui peuvent fonctionner. Pas le dimanche, où il faut se rassembler évidemment pour la messe, mais il y a des solutions cultuelles qui peuvent être trouvées pour finalement avoir un usage plus dense de ces églises. Mais le véritable défi, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait dans le village. Généralement, quand l'église ferme et qu'il n'y a plus de messe, ça veut dire qu'il n'y a plus de poste, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de bar-tabac. Voilà, donc l'église ne ferme pas toute seule. C'est généralement la vie rurale qui est en grande difficulté, la vie sociale des villages qui est en grande difficulté dans beaucoup de territoires. Oui, c'est un symptôme, enfin, parmi tant d'autres de ces territoires qui sont délaissés, parce que sans activité, le patrimoine en pâtit. Un patrimoine laissé à l'abandon, c'est pas bon. On dit souvent usage culturel de l'église à la place de l'usage culturel, mais dans un village de 100 habitants loin des zones touristiques, vous n'allez pas avoir un concert ou une conférence par semaine dans l'église. Donc, il y a des lieux où ça peut fonctionner, il y a des lieux où il faut simplement entériner le fait que ce bâtiment, il aura un usage 4 ou 5 fois dans l'année, qu'il soit culturel ou cultuel, et que pour cet usage qui donne une fonction, qui anoblit le lieu, qui montre que ce lieu est encore vivant, il faut préserver ce patrimoine. Mais ce qui signifie que pour une église, dans un village, ou pour sauvegarder ce patrimoine, on se dit on va faire des expositions. Bah oui, mais ça marche pas parce que c'est un village quand même où il y a, 60 habitants, on va pas faire des expositions. Mais ce qu'on va y faire prive ce lieu d'être un lieu de culte? Pas forcément. Il y a beaucoup d'usages qui sont compatibles avec le culte. Une exposition d'œuvres d'art, de photographies dans l'église. S'il n'y a rien dans ces œuvres d'art qui offense le sentiment des croyants, pourquoi pas? Ça se pratique déjà dans beaucoup de lieux. Et si le village fait 60 habitants, il est peut-être dans une communauté de communes qui va regrouper 10 000 ou 15 000 habitants. Et dans ces cas-là, à une autre échelle territoriale, pourquoi pas? D'accord, donc c'est une réflexion tout autre, mais qui ne porte pas uniquement sur le patrimoine religieux, parce que ce que vous nous dites là, Mathieu Lours, ça vaut pour l'ensemble de la vie d'une collectivité, redynamiser l'ensemble d'un territoire. Exactement, et l'Église peut servir vraiment de tête de pont pour cette revitalisation. Et puis, alors, on parle des églises, mais on l'a évoqué, il y a tant et tant de choses autour du patrimoine religieux, il n'y a pas que des églises, parfois il y a des monastères. Le monastère de la Visitation, créé en 1878, a abrité jusqu'à une centaine de religieuses cloîtrées. Les sœurs de la Visitation qui partageaient leur temps entre la prière et le travail de la terre. Mais il y a quelques années, ne comptant plus que 14 religieuses, la communauté a quitté les bâtiments trop vastes de Roubaix pour une maison de Mouveau mieux adaptée à ses besoins. Le domaine des Visitandines, îlot de quiétude au milieu de la ville industrielle, a alors été acheté par la municipalité. Un parc d'un hectare et demi y a été aménagé. Ouvert au public depuis quelques mois, il accueille actuellement une exposition de sculptures dont quelques-unes resteront sur place. La chapelle du monastère a été transformée en église paroissiale, en remplacement de l'église du Sacré-Cœur qui a dû être démolie. Quant au couvent lui-même, il a été confié à la société HLM Sarnor, un organisme installé à Roubaix spécialisé dans les réhabilitations. Ce bâtiment va abriter une soixantaine de logements, destinés à la fois, c'est important, aux personnes âgées et aux jeunes ménages. Il ne s'agit pas d'un véritable monument historique, ses murs ont un siècle à peine, mais ils font partie du patrimoine roubaisien et témoignent d'une certaine époque. RFR 3, Nord en 1981, mais ils avaient tout compris, hein, que ce n'est pas classé, mais ça fait partie du patrimoine. Oui. Mais après, bon, il y a des choses très belles et qui ont moins d'un siècle, hein. Voilà, je suis pas tellement d'accord avec la fin. Mais effectivement, et puis ça pose une vraie question. Qu'est-ce qu'on fait des bâtiments, des communautés régulières? Les religieuses apostoliques sont très nombreuses en France au XIXe siècle. Aujourd'hui, leur nombre est en décroissance rapide. Et qu'est-ce qu'on fait de ces énormes bâtiments situés soit dans la campagne, soit dans le cœur des centres-villes? Souvent des bâtiments non protégés. Oui, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que même pour les quelques religieuses qui restent déjà, c'est pas facile à habiter. Elles sont mieux parfois. Alors généralement, dans les villes, eh bien, ça devient des logements ou des bâtiments à usage collectif. Et dans les campagnes, eh bien, souvent des EHPAD, voire une démolition pure et simple. C'est un peu difficile. Mais ça demande un dialogue, en fait, entre l'Église, ou en tout cas le diocèse, et puis... Alors là, pour le coup, les communautés sont propriétaires. Elles sont des personnes morales. Elles sont propriétaires de ces bâtiments. Ils sont pas devenus nationaux en 1905, les biens des religieuses. Pas systématiquement, du moins. Et aujourd'hui, on a des ordres qui doivent négocier des gros contrats immobiliers. Elles ont besoin de conseils, souvent ces religieuses ou ces religieux, parce que il faut effectivement, comme dans le cas de Roubaix, avoir peut-être la possibilité que l'édifice cultuel reste affecté au culte. Voilà. Donc il y a une vraie réflexion aujourd'hui à mener sur ce front-là aussi. Et pour le cas des églises, c'est là où le dialogue doit être constant. Parce que qui va décider que tel édifice religieux va servir de lieu d'exposition? Il faut que tout le monde soit d'accord. C'est l'évêque. Que l'édifice appartienne au diocèse ou que l'édifice appartienne à une mairie, c'est l'évêque seul qui décide s'il est désacralisé ou non. Ou bien si, dans un édifice encore sacralisé, on peut avoir un usage culturel. C'est un locataire à titre perpétuel et gratuit, le clergé catholique. Vous n'allez pas chez votre locataire organiser une exposition s'il n'est pas d'accord. Ouais, c'est mieux. C'est les règles de la courtoisie et c'est la loi. Mais l'Église catholique aujourd'hui est ouverte à ce dialogue, comme le prouvent justement les états généraux du patrimoine religieux. Et des solutions existent déjà depuis des années, depuis des décennies. On a des festivals, des expositions qui fonctionnent en harmonie avec le culte. Donc ce n'est pas une logique conflictuelle qui existe, c'est une logique de complémentarité des usages, en sachant que l'usage cultuel est le seul inscrit dans la loi et que tout le reste est l'exception à la règle. Et ça, il faut que ça demeure, que cette affectation sacrée demeure, parce que c'est celle qui enracine le patrimoine dans son usage. Un patrimoine, ce n'est pas seulement des pierres, ce sont des usages vivants. Et l'usage vivant qui prévaut, c'est l'usage sacré. Mathieu Lourse, vous êtes historien de l'architecture, directeur du département d'histoire de l'architecture à l'école de Chaillot. Et puis, il y a tous vos ouvrages, mais qu'on va retrouver sur le site du cours de l'histoire franceculture.fr. Toute cette réflexion autour des églises en ruine, des cathédrales et la nation, on vous attend sur ce propos. Mais, bien sûr, dans le cours de l'histoire, au moment de parler du patrimoine religieux en France, nous sommes attardés sur le patrimoine catholique. On a évoqué les temples protestants, mais en fait, là aussi, on pourrait décliner les lieux de culte correspondre à toutes les religions présentes sur notre sol. Bien sûr, du point de vue patrimonial, il s'agit essentiellement d'églises catholiques à 99%, mais on a des synagogues et des temples protestants qui sont sous le régime de la loi de 1905. Il y a des très beaux édifices, notamment en Alsace ou dans le sud de la France, comme le temple d'Anduze, des synagogues comme celle de Bayonne qui vient d'être remarquablement restaurée. Et tout ça fait partie de la réflexion sur le patrimoine religieux, bien évidemment. Puis on a les mosquées qui se construisent de plus en plus nombreuses, les salles de culte évangélistes qui se construisent aussi de plus en plus nombreuses, des temples bouddhistes, hindouistes, qui font partie du patrimoine de demain, et dans lesquels il va falloir discerner lesquels auront un intérêt artistique et patrimonial, et ça commence par des labellisations. Il y a le label patrimoine sacré du XXe siècle, qui existe en Île-de-France, des mosquées, des synagogues, des églises contemporaines, des temples bouddhistes sont maintenant labellisés, ce qui peut être une première étape vers un classement. Oui, parce que le patrimoine, ce n'est pas seulement ce qui est vieux, Ce qui est médiéval comme on le pensait. Tout l'enjeu, c'est d'arriver à comprendre ce qui demain sera du patrimoine et faire en sorte qu'on n'ait pas une hécatombe qui précède la prise de conscience de l'intérêt. Oui, parce que c'est toujours ça, prévision du désastre, c'est mieux que d'attendre le désastre, parce qu'après, c'est trop tard. Avec, dans ce que nous évoquions dans le patrimoine religieux, des cas particuliers. Il y a le cas particulier de l'Alsace, Alsace-Moselle, qui, en 1905, dépendait de l'Empire allemand. Voilà, et en 1918, on n'a pas voulu revenir sur ce régime. Donc l'Alsace et la Moselle vivent toujours sous le régime antérieur à 1905, sous le régime de 1801. Et ça fonctionne finalement pas trop mal. Les bâtiments sont bien entretenus. Les bâtiments sont bien entretenus et il n'y a pas de conflictualité particulière. C'est quoi la grande différence en fait pour qu'on comprenne bien ? C'est que les municipalités ont un budget d'entretien non seulement de l'église mais du culte lui-même et que le clergé catholique, protestant et juif est payé par les pouvoirs publics. Voilà, au moins c'est la différence que l'on connaît sur un temps long. Et puis après, toujours dans les particularités, il y a, vous l'avez évoqué, les mosquées, la grande mosquée de Paris. Oui, elle bénéficie de protection patrimoniale. Elle a fêté son centenaire, le centenaire de la première pierre en 2022. C'est un édifice remarquable, protégé, il n'y a pas de problème. Mais des mosquées comme celle d'Évry ou celle de Créteil ont été labellisées patrimoine 20e siècle. Elles ne sont pas classées, mais elles ont un intérêt architectural manifeste et elles sont appelées à devenir un patrimoine de demain. Ce qui signifie que s'il y a besoin de restauration, de sauvegarde dans ces bâtiments-là, qui va entrer en jeu ? Parce que nous sommes sur des bâtiments construits après 1905, oui. Donc qui va s'occuper de ça ? Alors, leurs propriétaires, les associations cultuelles des différents cultes concernés, en lien avec les services de l'urbanisme des villes où elles se trouvent, parce qu'on ne peut pas enfreindre les codes de l'urbanisme. Et puis, ils peuvent aussi bénéficier des conseils des experts du patrimoine. La labellisation permet pas, c'est pas comme un classement, mais elle permet quand même d'attirer l'attention et de faire en sorte que les réglementations municipales en particulier soient attentives au fait qu'on n'ait pas des transformations profondes ou des altérations profondes de ces bâtiments. Et puis, la question qui pourrait clore cette émission, c'est votre regard, Mathieu Lourd, sur ce patrimoine religieux. Alors, est-il menacé ou pas ? Alors, les églises rurales non classées du 19e siècle sont lourdement menacées en France actuellement. Et c'est effectivement là que le champ politique, à travers l'action du Sénat et les récentes déclarations du président de la République, sont en train d'essayer de trouver des solutions. Les églises rurales ? D'accord. Certaines églises dans les villes, on peut penser à Paris, oui, sont aussi menacées. Voilà, on a le cas de grandes églises paroissiales du 19e siècle dans certaines villes qui posent des difficultés, mais les budgets disponibles sont beaucoup plus importants. Oui. Et l'usage cultuel est bien plus intense que dans les zones rurales. Donc, dans tous les cas, nous le savons, le patrimoine est un atout. Alors, un atout pour le tourisme, hein, parce qu'une belle église réputée va attirer des touristes, c'est bon pour la commune. Pour le tourisme, mais aussi pour d'autres formes d'économie locale. Parce que l'implantation de certaines entreprises dépend incontestablement de la qualité de l'environnement dans lequel elles s'implantent. La qualité de la ville. Et la qualité de la ville, elle passe aussi par le fait que le patrimoine soit présent et qu'il soit entretenu. D'accord. Donc, on est dans tous les cas sur un atout avec le patrimoine. Incontestablement. C'est le rapport charge-atout est clairement du côté de l'atout. Et les endroits dans lesquels le patrimoine a été démoli, on ne voit pas finalement, à part quelques lignes budgétaires qui sont plus... mais on ne peut pas non plus tout décider par le vide. Parce que l'école aussi, elle coûte cher. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va démolir l'école et on va la regrouper avec 5 communes. Enfin, le nettoyage par le vide, la rationalisation par le vide, ça ne marche pas. Et si on veut créer des synergies, attirer des donateurs, c'est au contraire la démarche constructive qui fonctionne. C'est ça qui fonctionne et qui fait que de tout ce patrimoine qui est vraiment notre bien commun, nous avons une identité propre qui est construite au fil des temps avec l'ensemble du patrimoine, de l'ensemble de ces religions et surtout, ce que vous nous dites Mathieu Lourd, cet atout qu'il faut mettre en avant parce que une fois que l'église est détruite, ça a fait l'économie sur une année de budget. Mais il n'y a plus d'église pour l'avenir. Voilà. Ou alors on en reconstruit une avec des qualités esthétiques d'une belle architecture du 21e siècle. Et ben voilà, l'intérêt d'appeler les architectes pour voir le futur, parce que le patrimoine de demain se construit aujourd'hui. Merci beaucoup à vous de nous avoir présenté et rassurés sur le patrimoine, mais en nous rappelant qu'il faut rester très très vigilant. Oui, merci, ne jamais beaucoup. Baisser la garde. Ne baissons pas la garde. Et pour l'instant, c'est tête haute que nous retrouvons Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Comment la limonade a-t-elle pu guérir Voltaire de la petite vérole ? La correspondance des philosophes français du XVIIIe siècle ne nous renseigne pas seulement sur leur conception de la religion, de l'éducation ou de la démocratie. Elle nous apprend beaucoup aussi sur le rapport qu'ils entretenaient avec la maladie. Bien qu'il ait fini par se présenter comme son ennemi juré, Voltaire partageait avec Rousseau la conviction qu'ils étaient tous deux de grands malades. Hypochondriaque, l'auteur des Confessions consacra beaucoup d'énergie à décrire ses symptômes, ses maux d'estomac, sa sciatique, ses insomnies, ses bouffées de chaleur. Convaincu que ses problèmes urinaires étaient dus à une malformation, il alla jusqu'à demander, dans son testament, une autopsie qui ne donna rien. Voltaire ne fut pas en reste. On sait qu'il souffrit jusqu'à la fin de sa vie de plusieurs maladies récurrentes. Inflammation chronique des intestins, coliques, ennuis prostatiques, etc. Sa correspondance est une longue suite de plaintes, de doléances, de récriminations concernant sa santé. Il répète constamment dans ses lettres qu'il est au bord de la mort, et c'est pour retarder l'échéance qu'il était à l'affût de tous les remèdes nouveaux, ce qui l'incita à ingurgiter une quantité inimaginable de médicaments. Si le thème de la maladie est aussi présent dans la correspondance de Voltaire, c'est aussi parce qu'il aimait cultiver la posture du savant souffreteux pour en faire une dimension de son identité sociale. On dit même qu'un jour, pour distraire sa compagnie, il compta ses maladies et en dénombra 42. Si bien que, pour lui plaire, il fallait s'effrayer de sa maigreur, de sa faiblesse, le faire plus vieux et plus ravagé qu'il n'était. Parmi les maux réels qui mirent en danger la santé de Voltaire, l'un des plus graves fut la variole, qu'il contracta en 1723 à l'âge de 29 ans. Dans une lettre adressée au baron de Breteuil, il raconta en détail sa maladie et sa guérison miraculeuse dans des termes qui montrent l'ampleur des préjugés que partageaient les philosophes les plus éclairés de ce temps dans le domaine médical. Voici ce qu'il écrivait dans cette lettre. « J'eus la petite vérole. Cette maladie parut après 2 jours de fièvre et s'annonça par une légère éruption. Je me fis saigner. Soigné par le médecin de M. le cardinal de Rohan, il me fit boire 200 pintes de limonade. Cette conduite, qui vous semblera extraordinaire, était la seule qui pouvait me sauver la vie. Toute autre route me conduisait à une mort infaillible et je suis persuadé que la plupart de ceux qui sont morts de cette redoutable maladie vivraient encore s'ils avaient été traités comme moi. » Convaincu que les 100 litres de limonade qu'il avait avalés l'avaient guéri, Voltaire poursuivait sa lettre en s'attaquant avec véhémence aux médecins de son temps. « Cela fait voir démonstrativement que tous ces charlatans dont Paris abonde et qui donnent le même remède, je ne dis pas pour toutes les maladies, mais toujours pour la même, sont des empoisonneurs qu'il faudrait punir. » Heureusement pour nous, Edward Jenner, qui découvrit le vaccin contre la variole en 1796, n'a pas suivi la philosophie de Voltaire concernant les vertus thérapeutiques de la limonade. Bah merci beaucoup Gérard Noiriel, cette petite limonade. C'était le cours de l'histoire sur France Culture. Une émission préparée par Jeanne Delecroix, Anne Toscan-Judès, Jeanne Copper, Raphaël Laloum et Mayouen Guizou. Merci à l'INA, à l'Institut National de l'Audiovisuel pour son aide et à la discothèque de Radio France. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France et sur notre site. Vous retrouvez toutes les références bibliographiques qui concernent cette émission. Hey. Vous. Oui, vous. Savez-vous que vous pouvez écouter 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts sur une seule application gratuite ? Avec Radio Player France sur smartphone, enceinte ou en voiture, vos radios sont toujours avec vous. Radio Player France, l'appli de toutes les radios.